Marre des radios ringards? Écoutez-nous et faites la différence sur Radio Heavy Metal. Metal Express avec Eric. Eh bien, amateurs de hard rock, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi de 19h à 21h. Vous êtes dans le Metal Express. J'espère que vous êtes bien calés dans votre fauteuil, car ce soir encore, il va y avoir pas mal de choses. Pas mal de choses donc, comme je viens de le dire, dans vos oreilles. Et notamment, donc, on va rendre un grand hommage à Vinnie Paul, qui nous a quittés malheureusement trop tôt à l'âge de 54 ans. Une grande légende du heavy metal s'en est allé encore. Et oui, il était batteur et cofondateur du groupe Pantera. Et il est décédé donc samedi 23 juin à Las Vegas. Ça a été annoncé par Pantera sur sa page Facebook et Twitter. Et je vous rappelle qu'il avait 54 ans. Il nous a quittés trop tôt. Je rappelle également que Radio Heavy Metal a des partenariats. Il y a Radio Fréquence Zik, Indie Spirits, Canal Fuzz Radio, et puis nous avons une nouvelle radio qui diffuse le Metal Express, c'est Radio Guise Finistère. Merci à eux de nous diffuser. Radio Heavy Metal a sa page Facebook, mais ça vous le savez, et puis il y a également la page Facebook du Metal Express. Ça aussi, vous le savez, très simple, vous avez envie de m'écrire, vous me laissez un petit message et j'y répondrai. On va commencer donc ce Metal Express avec Pantera, en hommage donc à Vinnie Paul. Et le premier morceau qu'on va écouter s'appelle Drag the Waters. Allez, bonne écoute, on est ensemble jusqu'à 21h. Word from a mouth of the outside lawyer, please. Voilà donc, en hommage donc à Vinnie Paul, donc le Metal Express sera un grand hommage, pardon, au groupe Pantera, donc Vinnie Paul, qui nous a quitté malheureusement un peu trop tôt. Maintenant, on va écouter un groupe allemand au nom de Refuge. L'album s'appelle Solidarimen, et puis c'est sorti il y a très peu. C'est un nom qui ne vous dit probablement pas grand-chose, mais si je vous dis Rage, et oui, et tout simplement le Rage à l'époque de 1988 à 1993, donc... Voici donc le groupe Refuge et le morceau qu'on écoute, Summer's Winter. We'll be right back. Après un concert donc surprise sous le pseudonyme éphémère de Très Ombre, le trio ravi de cette improbable réunion a eu envie de poursuivre l'aventure en adoptant le nom de Refuge en référence à un titre de l'album de The Missing Link de Rage. L'idée est bien de faire coexister les deux formations Rage d'un côté et Refuge de l'autre. Donc cet album est sorti le 8 juin. Il s'intitule Solidary Men. Donc c'est un excellent album et je vous le recommande. En attendant, on va s'écouter Blackstone Cherry et le morceau qu'on va écouter s'appelle Burning. Blackstone Cherry, donc, c'est un groupe de metal alternatif américain et le morceau qu'on a écouté s'appelle Burning. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, maintenant on va s'écouter un groupe qui s'appelle Heartless et le morceau s'intitule Electric Flame. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. groupe s'appelle Heartless. Ils sont américains. Ils nous jouent un stoner metal excellent. Le morceau s'intitule Electric Flame, donc, et c'est leur quatrième album qui est sorti le 16 mars 2018. L'album s'appelle Black Heaven. En attendant, on va s'écouter un second morceau de Pantera avec Walk. Je rappelle que donc Vinnie Paul nous a quittés samedi, malheureusement, à l'âge de 54 ans. Allez, voici Walk. We'll be right back. revient juste après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour ça, contacte Radio et Vimetal sur Facebook. Allez, voici un groupe britannique au nom de Orange Goblin. Le morceau s'intitule Renegade. Très bon groupe de stoner metal britannique, il s'appelle Orange Goblin. Le morceau qu'on a écouté s'intitule Renegade, donc, et l'album s'intitule The Wolf Bites Back. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, donc c'est tout chaud, c'est tout prêt dans les bacs. En attendant, voici un groupe qui s'appelle Torsion Bound Worm, et le morceau s'intitule Machine Zombie. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal, Radio Fréquence Zik, Indie Spirits, Canal Fuzz Radio et Radio Guise Finistère. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Yeah. Le groupe s'appelle Torsion Bone Worm, donc le morceau qu'on a écouté, Machine Zombie. On aime ou on n'aime pas, c'est Indus. Donc voici un groupe qui s'appelle Mary's Blood et le morceau qu'on va écouter s'appelle World's End. Voilà, donc, elles s'appellent Mary's Blood, elles sont japonaises, l'album s'appelle Revenant, c'est sorti le 18 avril 2018, donc c'est du très bon power metal, c'est un album donc que je vous recommande, et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle World's End. Les dernières nouveautés sont ici, les dernières nouveautés sont ici, alors ne bougez pas. Eh oui, c'est uniquement dans le Metal Express et sur Radio Heavy Metal. Voici Riot V. Le morceau s'intitule Victory. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. We'll be right back. Le groupe s'appelle Riot V et le morceau qu'on a écouté s'appelle Victory, donc l'album s'appelle Amor of Light et c'est sorti donc en avril 2018 chez le label Nuclear Blast Records. C'est du très bon heavy metal, j'en dirai pas plus, car vous connaissez le guitariste, j'en dirai pas plus, il s'appelle Mark. À vous de trouver, c'est très simple. Allez, on voici un autre morceau de Pantera. C'est un putain de morceau, donc le groupe Pantera. Je vais vous faire gagner un album de Emperor, donc donnez-moi le nom de cet album. Je vais pas donner le titre, puisque le nom de l'album de Pantera, c'est le titre qu'on vient d'écouter. Alors donnez-moi ce titre et vous gagnez un album de Emperor. Allez, voici en attendant un groupe qui s'appelle Cyclone Temple et le morceau qu'on va écouter s'intitule Public Enemy. Bonne écoute dans le Metal Express. Pour la réponse, vous m'envoyez un petit message donc sur la page Facebook du Metal Express ou sur la page Facebook de Radio Heavy Metal. Voilà, donc ça s'appelle I Hate Before I Am, l'album qui est sorti en avril 1991. Le groupe s'appelle Cyclone Temple, donc c'est du très bon thrash metal. Allez, on va s'écouter un groupe au nom de Held, et ce morceau s'intitule Sacred War of Lawlessness. suite, les dédicaces. Et oui, oui, les dédicaces, donc, comme chaque lundi. Donc, je vais commencer par la première, c'est de la part de Easy Joe pour moi. Ah bah, merci beaucoup. C'est Alice Cooper, Seven and Seven A's. Également, Easy Joe qui me dédie Metallica dans les années 80, avec Cliff à la basse, bien sûr, avec Master of Puppets. Easy Joe qui nous dit que apparemment dans une interview, à l'époque, c'était son morceau préféré de l'album Master of Puppets. Donc Easy Joe, je te remercie pour ces deux dédicaces. Allez, c'est parti, on écoute. My room. Donc à l'instant, donc dans le Metal Express, deux dédicaces donc qui m'a été dédiée en plus de la part de Easy Joe. On a eu en premier Alice Cooper et puis à l'instant Metallica avec Master of Puppets. Donc Easy Joe, je te remercie encore. C'est un fidèle du Metal Express, également de Radio Heavy Metal. Maintenant, on va passer à une autre dédicace. C'est Valérie Robas. Elle aussi est une fidèle donc de l'émission du Metal Express et de Radio Heavy Metal. Donc, elle me demande Tarja. Le premier morceau donc s'intitule I Walk Alone, suivi donc de Doro avec Furheimer, et puis il y aura Lita Ford. Et le morceau que je vais lui passer s'appelle The Reaper. Allez, bonne écoute. I'm never gonna go tell the world. sonido für immer zusammen, werden uns niemals trennen, uns niemals trennen. Thank you. Voilà, donc c'était Lita Ford, donc à l'instant avec The Reaper. Donc il y a eu en premier, si je retrouve la feuille bien sûr, il y a eu Tarja avec I Walk Alone, suivi de Doro, et puis à l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lita Ford, The Reaper. Maintenant, c'est moi qui va faire une dédicace, donc, pour les tout tordus de la formation Fodeno, ils vont tous reconnaître. Il y a Dani, Christophe, Virginie, William, Christine, Pierre, Sandra, Manuela, Michel, Davy, et puis moi-même, donc, mais je crois que j'ai oublié quelqu'un et je retrouve pas son prénom. Je suis vraiment désolé. Et voici donc pour vous tous Bon Jovi et on écoute Breakout. Yeah. À l'instant, donc, dans le Metal Express, Monsieur Bon Jovi avec Breakout. Donc, ce morceau, je l'ai dédié donc à les tout tordus de la formation Fodeno. Je vais reciter les prénoms. Il y a Danny, Christophe, Virginie, William, Christine, Pierre, Sandra, Manuela, Michel, Déby et puis moi-même. Mais je crois que j'ai oublié une personne et j'en suis vraiment navré. Voici maintenant Pantera en hommage donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, voici le morceau Cowboys from Hell. Voilà donc Pantera avec Cowboys from Hell. Je vous rappelle donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous rendons hommage à Vinnie Paul, donc, qui est décédé samedi 23 juin à Las Vegas, donc, et qui avait 54 ans. Voici Overkill, et le morceau s'intitule Red, Right and Blue. We'll be right back. Le groupe Overkill avec Red, White and Blue. Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Radio Heavy Metal. Allez, voici Six Feet Under. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Victim of the Paranoid. Six Ender, donc avec Victim of the Paranoid. Allez, voici Start Eternal, et ça s'appelle Starting Over. Yeah. très bon power metal, donc australien. Il s'appelle Star Eternal et le morceau qu'on a écouté s'intitule Starting Over. Allez, voici un autre morceau de Pantera qui s'appelle Psycho Holiday. We'll be right back. Pantera donc avec Psycho Holiday, c'était un hommage donc à Vinnie. Attendez, j'ai un gros trou là. Je redirai tout à l'heure puisque j'ai un gros trou. Allez, voici Judas Priest. Ça porte le nom de l'album, ça s'appelle Firepower. On ne s'en lasse pas de cet album. Voilà donc un instant, c'était Judas Priest avec Firepower. Donc ce spécial Metal 80, spécial 80. Non, je disais, donc ce Metal Express était donc en hommage à Vinnie Paul. Qui nous a quitté à 54 ans, malheureusement c'est très très jeune. Donc pour ceux qui viennent d'une autre planète, Vinnie Paul donc était le cofondateur du groupe Pantera. Voilà. Donc voilà, c'était la dernière émission de la saison. On se retrouve nous donc à la rentrée le lundi 3 septembre et on débutera avec un spécial Metal 80 comme chaque premier lundi du mois de 19h à 21h. Cette émission donc sera rediffusée sur Canal Fuzz Radio, c'est-à-dire mardi de 20h à 22h, également sur Radio Guise Finistère, c'est-à-dire mercredi de 19h à 22h. 21h, je dis une bêtise. Et puis dimanche sur Radio Fréquence Zik de 21h à 23h. Voilà, je vous rappelle également qu'il y a pas, il y a la page Facebook Radio Heavy Metal et puis la page Facebook du Metal Express. Voilà, bah moi je vais vous souhaiter de très bonnes vacances. On se retrouve donc à la rentrée. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, le 3 septembre. Allez, moi je vous dis très bonne semaine. Ah oui, j'ai oublié de dire également que le podcast de l'émission de ce soir, donc ce sera pour demain, c'est-à-dire mardi, sur la page Facebook. Oh, j'ai du mal avec le Facebook. Facebook Radio Heavy Metal et la page Facebook du Metal Express. Voilà, allez. Moi, je vous dis bonne soirée et puis bonnes vacances. Allez, ciao !